ma vie, quand mon amour m'appela, lorsque la bande passa, j'entends des chansons d'amour, je voulais lui dire non, pourtant je lui ai dit oui, lorsque la bande passa, j'entends des chansons d'amour. Un homme sérieux qui comptait son argent s'est arrêté, le comptable qui ne pensait qu'à le fait s'est arrêté. Des amours qui comptaient les étoiles par là se sont écartées. Quand passa la banda, la fille triste oublia son chagrin et puis sourit. La rose triste qui vivait fermée bientôt s'ouvrit et les enfants ont couru comme toujours. Lorsque la banda passa, j'entends des chansons d'amour. Je ne faisais rien de ma vie. Pour moi, la bande a joué pour toi, la bande a joué toujours.